fuir le réel en allant en astral par rapport à la réalité qui peut être dure à assumer et composer avec pour l'ego. Il y a différents comportements. Il y a des gens qui vont être capables d'encaisser les chocs, la souffrance de l'existence à froid. Il y en a d'autres qui vont préférer geler. Il y en a qui vont se droguer. Il y a des drogues légales, illégales. Puis il y en a d'autres, ben leur drogue, ben ça va être de se réfugier en astral pour pas être trop en contact avec le réel, puis assumer leur vie dans le corps matériel. Et ça, c'est extrêmement pernicieux. Puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la haute spiritualité, mais en réalité, c'est une forme de compensation dans leur vie parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer leur existence. Donc, autrement dit, si la personne a des problèmes financiers, au lieu de se mettre en action concrètement dans sa vie pour les régler, ben, elle va aller sur le plan astral, puis essayer de discuter avec une entité ou essayer de prier les anges, les archanges, pour que, par magie, ils règlent à sa place ses problèmes. Puis si ces problèmes sont réellement réglés par des entités, la personne ne devient jamais autonome, elle reste dépendante des entités. Puis s'ils ne se règlent pas, ben, la personne, à ce moment-là, est toujours dans le pétrin. Fait que si l'astral l'aide ou qu'il ne l'aide pas, la personne demeure dans un état qui va à l'encontre de son évolution. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont piégées par la fascination par les hautes forces astrales qui vont leur faire miroiter à travers le phénomène de l'espoir, du désir, qui sont là pour les aider, puis qui les aiment. Donc, il y a des gens qui canalisent, par exemple, des entités, puis le message, c'est « on vous aime, vous êtes beau, vous êtes fin, on vous caresse dans le sens du poil, là, puis on vous envoie de l'amour inconditionnel ». Mais si la personne regarde ça, puis elle lit la vibration de la personne, puis elle voit, bien, cette personne-là, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est coloré. Puis ça vise à nous garder fascinés par rapport à des êtres sur d'autres plans qui se nourrissent de l'attention qu'on leur donne pour, à quelque part, vampiriser nos énergies vitales. Si la personne réalise ça, bien, c'est sûr qu'éventuellement, elle n'aura d'autre choix que de changer. Mais présentement, à travers, entre autres, le nouvel âge, la haute spiritualité, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de matériel présentement dans les livres, sur YouTube, qui tourne à l'entour des anges, des archanges, les maîtres spirituels, les maîtres ascensionnés, qui vont servir à disperser l'individu de lui-même. Donc, autrement dit, au lieu que l'être humain fasse face à ses problèmes, puis qu'il canalise de l'information créative qui provient de l'esprit, tu as vivre un contact avec l'autre réalité, mais qui va traiter la canalisation dans une optique d'intégration dans sa vie par rapport au mouvement évolutif qu'il peut capter à l'intérieur de lui pour le mettre en action pour régler les problèmes. Ça, c'est intelligent. Traiter avec l'invisible ainsi, dans le sens que si, par exemple, la personne a un problème financier, ben, il regarde ce que l'esprit lui dit. Puis l'esprit peut lui dire, ben, regarde... Trouve-toi un emploi, puis va voir telle personne pour lui remettre ton CV, ton curriculum vitae, ou fais tel mouvement. Ça, c'est intelligent. Mais si la personne a un contact avec une entité astrale qui va lui dire, ben prie trois fois par jour l'archange Michael, puis ton problème va se régler, ça garde la personne dans un état de passivité. Alors que l'autre qui canalise l'information en vue d'une mise en action, ça l'amène à être en puissance dans son existence. Et c'est sûr que présentement, le scénario que vivent beaucoup de personnes, ben, il y a des gens qui sont extrêmement matérialistes, puis ils veulent rien savoir de la haute spiritualité ou de la conscience supramentale. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir de la conscience supramentale, mais ils sont fascinés par la haute spiritualité parce que les êtres qui se retrouvent sur ce plan d'énergie caressent ces gens-là dans le sens du poil, c'est-à-dire qu'ils leur disent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se fait dire, tu vas réaliser qu'il n'y a pas de libre-arbitre, puis qu'à quelque part, il faut que tu suives une vibration pour être capable d'évoluer puis d'agir sur ta réalité en te mettant en action. C'est un discours qui est plus ou moins agréable, puis il n'est pas autant à dorloter, à faire plaisir à l'ego en disant « Non, non, reste chez toi, médite 10 minutes par jour en pensant à ton ange gardien. » Puis l'ange gardien, il t'aime d'un amour inconditionnel, puis il va régler tes problèmes à ta place. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt, tu as juste besoin de lui donner ton attention. Puis les gens peuvent croire ça pendant un bout de temps. Puis c'est sûr que quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y en a peut-être qui vont monter en vibration puis en contestation, puis dire « Ben, coudonc, l'ange gardien, tu n'as pas réglé mes problèmes, puis je suis dépendant de toi. » Mais non. C'est souvent à travers la contestation puis la souffrance que les gens vont remettre en question leur attachement à la haute spiritualité. Et c'est sûr que si une personne confronte une autre alors que c'est pas venu pour elle de changer de niveau de palier de conscience, ça va être comme ça servira à rien. Ça va être comme une perte de temps parce que la personne n'est pas prête à changer. Donc, il faut qu'elle sature. Donc, c'est sûr que par rapport à la fuite dans la haute spiritualité, ben ça guette beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont des capacités médiumiques incroyables. Il y a des gens qui peuvent se décorporer. Ils peuvent aller faire des voyages dans les archives du passé. Ils peuvent aller en Atlantide. Ils peuvent aller en Égypte. Ils peuvent aller dans la cité de cristal, voir des êtres de lumière. Ben oui, mais tout ça, là, la personne qui se conscientise doit regarder est-ce que ça sert ou non le développement de ma conscience réellement? Est-ce que ça me permet d'être bien dans ma peau, d'améliorer mon sort? Ou c'est tout simplement des belles formes sans consistance qui créent un attrait énergétique qui fascine? Mais c'est sûr que si une personne qui a un esprit critique très développé puis qui a passé par un état de fascination au niveau astral, rencontre une autre qui est fascinée par ça, mais qui n'est pas prête à changer, ben, ça ne sert à rien qu'elle lui dise que, à quelque part, elle se fait gruger inutilement sur des énergies vitales en passant son temps à faire de la méditation puis voyager dans d'autres niveaux de réalité ou qu'elle va être absorbée par des êtres qui vont la rendre dans un état de fascination puis la maintenir là-dedans pour siphonner ses énergies vitales. Parce que l'autre ne sera pas réceptif. Mais c'est quand que la personne, elle souffre. Tu sais, la personne qui, par exemple, elle a des problèmes financiers, problèmes de couple, parce qu'elle passe trop de temps en décorporation avec des entités astrales, ah ben là, tranquillement, elle va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce qu'à quelque part, elle va vivre un déséquilibre. Donc, quelqu'un qui passe ses journées à discuter avec les maîtres ascensionnés puis faire des voyages dans des cités sous-marines, ou à visiter des archives se rapportant à l'Atlantide, quelqu'un qui passe son temps là-dedans, puis que la personne a des problèmes financiers, problèmes d'alimentation, problèmes de couple, ben c'est parce qu'à quelque part, elle fait une réalité qui est plate. C'est comme quelqu'un qui va se droguer, qui va prendre de la cocaïne. Donc, sa vie, c'est de la merde. Au lieu de rectifier sa vie merdique, puis mettre de l'ordre et intégrer l'intelligence de l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se réfugier dans des château imaginaire, puis là, elle va visiter le château de cristal, puis que c'est beau. Puis là, la personne peut dire, ouais, mais ça te sert à quoi? Ah, ben, c'est beau, là. Laisse-moi tranquille, là, sur l'utilité, c'est beau, je trippe. Ouais, mais est-ce que ça sert ton évolution? Ah, non, non, laisse faire l'évolution tranquille, c'est beau, je trippe. La personne est englobée, puis est passionnée par ça, puis il faut qu'elle en parle de l'Atlantide, des secrets liés aux sortes. Par exemple, de magie qui pouvait être utilisée lors de cette époque, et ainsi de suite. Puis la personne en mange, puis c'est beau, puis... OK, mais à quoi ça te sert? Ah, ben, c'est beau, là. Puis là, j'apprends des choses. Ouais, mais quoi? Ah, mais c'est de la lumière. Ben, ouais, mais... la personne peut être confrontée, mais elle sera pas capable de faire jaillir dans son propos... puis d'assumer le fait qu'à quelque part, elle vit de la fascination puis qu'elle perd son temps. Si c'est le cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se décorporer puis aller visiter certaines archives. S'ils sont mandatés par l'esprit, c'est pertinent de le faire. Mais il faut qu'ils soient réellement mandatés. C'est un petit peu comme l'alimentation ou la cigarette. Quelqu'un peut fumer la cigarette sur la vibration. On peut tout faire sa vibration. On peut chier sa vibration, on peut même avoir du sexe sa vibration. Donc, tout peut être possible. Par contre, est-ce que c'est réel? La personne doit être honnête et transparente avec elle-même. Parce que c'est pas parce qu'elle peut être mise en vibration par l'esprit une fois dans sa vie pour avoir du sexe que c'est le cas pour le reste de sa vie à chaque fois qu'elle a du sexe, parce que ça peut être aussi des mouvements d'ego, donc des mouvements astrales. Même chose pour le phénomène de la décorporation. Donc, autrement dit, quelqu'un peut être mis en vibration pour, oui, discuter avec des entités sur d'autres plans, mais si c'est pas réel, puis la personne, elle pense que c'est réel, ou elle croit, j'aime mieux le terme croire, que c'est réel alors que ça ne l'est pas, ben c'est là qu'elle se fait avoir, puis elle s'expose tôt ou tard à des illusions. Pis c'est sûr que quelqu'un peut dire à l'autre, ben regarde, tu perds ton temps à faire des voyages en Atlantide, puis des continents anciens, parce que tu restes associé à des mémoires anciennes, alors que l'esprit en toi veut t'amener à générer du matériel nouveau, créatif, et veut que tu te renouvelles dans ton rapport à la matière, c'est-à-dire que tu fasses évoluer ton alimentation, donc tu raffines ton alimentation, tu t'alimentes mieux, tu as des relations plus harmonieuses avec les gens de ton environnement, donc autrement dit, tu ajustes ton ego pour être capable d'interagir intelligemment avec les gens qui t'entourent dans une optique de respect et d'écoute mutuelle, sans marcher sur les pieds des autres, et surtout, sans te laisser marcher sur les pieds par personne. Puis ensuite, l'esprit peut mettre en vibration la personne pour faire un ménage chez elle, de son logement, sa chambre, se dépouiller de tous les éléments qui sont inutiles. Mais si la personne ne veut pas faire ce travail-là, alors que, objectivement parlant, puis vibratoirement parlant, c'est ce qu'elle a à faire, puis elle a choisi de se réfugier en astral, puis là, de prier le maître ascensionné pour qu'il règle ses problèmes au niveau alimentaire, à sa place ou financier, puis elle reste passive, bien, c'est là que tôt ou tard, elle va vivre le contre-coup de ça. Puis à un moment donné, bien, elle va peut-être faire une faillite. Si elle a des problèmes financiers trop importants ou si elle a des problèmes de couple trop majeurs, bien, son conjoint va la quitter. Ou si elle a des problèmes de santé trop importants, bien, elle va faire de l'hypertension ou elle va développer des problèmes de cholestérol qui vont faire en sorte que tôt ou tard, elle n'aura d'autre choix que de changer l'alimentation. Parce qu'en réalité, l'intégration de la conscience réel, supramental, passe par la matière. Et toute fuite dans l'imaginaire, l'astral, l'occulte, tout ça, c'est un détournement de l'être humain par des forces qui n'ont rien à voir avec les intérêts réels de l'être humain. Autrement dit, c'est des forces qui cherchent à manipuler l'être humain pour le détourner de son devenir réel qui est d'être un être de lumière qui aura intégré l'intelligence de l'esprit. Autrement dit, il y a des forces astrales qui cherchent à détourner l'être humain de la propre lumière qu'il porte à l'intérieur de lui. Pourquoi? Ben, pour qu'il reste fasciné et qu'il ne monte jamais en puissance. Parce que ces forces savent très bien que le jour où l'être humain développera son propre potentiel, ben, éventuellement, lorsque cela arrivera, l'être humain ne sera plus docile, ne sera plus soumis à des forces qui cherche à l'influencer au niveau astral, et il aura la possibilité d'avoir une volonté tellement forte qu'il pourra diriger les êtres se trouvant sur le plan astral en vue qu'éventuellement ils évoluent à leur tour et qu'ils s'ajustent à la vibration de l'esprit. Donc, autrement dit, il y a une réforme totale et du plan astral liée à la montée en puissance énergétique d'individus sur Terre qui vont s'éveiller et qui vont reconfigurer l'éther de la Terre en vue d'en faire une administration volontairement consciente. Et ça va donner place au gouvernement supramental qui va être en deux volets. C'est-à-dire qu'il va y avoir des êtres qui vont se retrouver sur les plans subtils, qui vont en faire l'administration. Simultanément, ben, il va y avoir d'autres êtres sur le plan physique qui vont administrer la matière, et ceux qui administrent la matière vont avoir une communication télépathique avec ceux sur des plans subtils pour qu'il y ait une harmonisation globale de la vie sur la Terre, autant sur le plan matériel et autant sur le plan des réalités parallèles qui s'y rapportent, c'est-à-dire plan astral et plan supramental, et les êtres qui se retrouvent dans la couche énergétique qui fait le contour de la Terre. Mais sortir de l'astral puis de la fascination pour l'imaginaire, c'est pas évident. Moi-même, la personne qui vous parle, là, j'ai été longtemps fasciné par l'astral. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené d'une manière transitoire à m'intéresser à la conscience supramentale, parce que je m'intéressais dans le passé, là, je le parle un peu en termes de jeu, au maître ascensionné, puis je lisais des livres de canalisation, mais je me sentais pas totalement rempli intérieurement en lisant ça. Donc, il y avait quelque chose qui manquait. C'est ce qui me gardait en état de recherche. Là, quand que j'ai réalisé qu'à quelque part, il faut arrêter d'être fasciné, puis fuir la réalité, puis chercher à compenser une vie plate en allant écouter des vidéos sur YouTube ou en lisant des livres que des gens qui nous font miroiter, qui savent des choses, puis c'est beau, puis des belles couleurs pastels. Ça, c'est un autre aspect. Il y a beaucoup d'individus en affiliation psychique avec les plans astraux qui vont véhiculer des couleurs très vives, qui sont en état de résonance harmonique avec des êtres de haute spiritualité sur les plans astraux. Alors que la vibration de l'esprit, elle est blanche, c'est-à-dire une vibration qui englobe toutes les couleurs en potentialité, mais qui est au-delà de ça. Autrement dit, c'est une vibration au-delà des formes puis des polarités, comme le bleu, c'est une couleur polarisée, le rouge, c'est une couleur polarisée, le jaune. Alors que l'esprit, là, ça a potentiel de tout, parce que c'est au-delà de la forme. L'esprit, c'est un peu comme un caméléon, dans le sens qu'il va s'ajuster, il va s'adapter, un peu comme de l'eau. Autrement dit, si l'eau est bloquée à gauche, l'eau va essayer de passer à droite. Si c'est bloqué à droite, elle va essayer de passer par en bas, par au-dessus. L'esprit va tout le temps chercher à utiliser les formes d'une manière mutable en vue de favoriser sa capacité d'expression et de manifestation. Alors que quelqu'un qui est polarisé dans l'astral, ben là, il est juste dans la couleur rouge, un principe actif. Sinon, il est dans le violet, l'espoir. Sinon, il est dans le bleu, la communication. Sinon, vert, l'énergie de guérison. Donc, chaque couleur peut avoir certaines fonctions qui ont été polarisées et magnétisées historiquement parlant, en lien avec des êtres sur les plans astraux, mais l'être humain qui touche à l'esprit est au-delà de ça. Il a toutes les potentialités en lui. Mais c'est sûr qu'arrêter de vouloir compenser puis prendre sa vie en main, ça demande de l'effort. Moi, je suis très conscient que dire ça aux gens présentement, il y a des gens qui sont prêts à changer leur vie puis à s'engager davantage dans la matière, puis il y en a d'autres que non. Ils sont bien à prier les anges, les extraterrestres, les maîtres ascensionnés. C'est correct. Chaque chose en son temps. Il y en a qui sont bien à passer leur temps à faire des voyages en Atlantide. Mais c'est lorsque la personne vit un état de ras-le-bol, de saturation, de fascination astrale, que son taux vibratoire va changer, puis elle va s'allumer intérieurement, puis elle va contester tout ce qui l'empêche d'être bien dans sa peau, dans le « ici et maintenant », dans son corps physique. Mais, il faut attendre un point de saturation. Il y a peut-être des gens qui vont écouter ça, vont dire « Ah ben là, non, moi j'aime mieux les anges, je vais arrêter tout de suite d'écouter ces enregistrements-là. Je vais retourner écouter une belle canalisation angélique qui va me dire que je suis beau, je suis fin, qui va me dorloter. » Mais non, il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, là c'est le temps que ma vie change, là, ça fait 20 ans que j'écoute des canalisations angéliques, là, je tourne en rond. » Une stagnation évolutive, il faut que je me mette en action dans ma vie. Donc, ça dépend des gens. Moi, c'est sûr que j'ai été confronté sur plusieurs plans pour être plus en action dans la matière. Donc, autrement dit, j'ai passé une bonne partie de ma vie à lire des livres sur les anges, la canalisation de haute entité, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, bien, je me suis dit, je ne suis pas tellement en forme physiquement, il faut que je m'entraîne, il faut que je prenne soin de mon corps. Il a fallu que j'aille consulter une chiropraticienne. Je vais l'avoir une fois de temps en temps pour améliorer ma posture du dos, pour que je sois plus dans une intégration, une incarnation de mon être dans la matière. Donc, il a fallu que je fasse des actions dans ma vie pour me sortir de l'inertie associée à la fascination astrale que je vivais jusqu'alors. Bon, c'est sûr que j'étais plus fasciné par l'astral à 20 ans qu'à 30 ans ou aujourd'hui, mais il en demeure pas moins que ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Puis il y en a un petit peu encore à l'intérieur de moi. Je suis quand même transparent avec vous. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais acheté un livre d'une personne qui disait qu'elle faisait des traitements énergétiques avec une belle couverture, des belles images. Puis là, on peut faire des traitements à distance. Puis c'est très fascinant. Ça fait plaisir à l'ego. On dit à l'ego, tu as juste à lire le livre, puis toi, tu vas pouvoir guérir les gens, t'auto-guérir à volonté. Puis l'ego, c'est facile pour lui d'acheter ce discours-là. Mais, simultanément, l'esprit me disait que non, ce livre-là, tu perds ton temps, ça ne te servira à rien. Mais il fallait que je l'achète. Il fallait que je passe à travers l'expérience. J'ai lu un peu et ça me disait non, non, je tourne la page, non, non, c'est pas ça. Fait que là, j'ai obligé d'admettre, puis ouais, c'est vrai que c'est pas ça. Puis oui, ça me sert à rien. C'est juste des belles images avec des belles couleurs vives pour caresser mon ego, puis lui faire miroiter que t'as juste à lire le livre, puis tu vas avoir des capacités. Il y a le désir de pouvoir. Ouais. Je me suis fait astraliser dans le désir de pouvoir. Il y a beaucoup de gens que c'est ça, hein? C'est le désir d'être en puissance sans avoir à faire d'efforts. C'est comme si tu pouvais devenir du jour au lendemain musclé, avec une belle forme physique, belle posture dorsale, sans t'impliquer dans la matière pour t'entraîner physiquement et être capable par la suite d'avoir une bonne forme. Donc, c'est sûr que lorsque la volonté agira la matière, ça sera quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, d'ailleurs, si la plupart des êtres humains sur la Terre ne sont pas capables de shaper, de modifier la masse musculaire de leur corps avec strictement leur volonté, ben, ils doivent passer par l'entraînement physique. Donc, il faut être capable d'assumer le réel. C'est sûr que ça peut être plate de dire « Ah, il faut que je me lève le matin, il faut que j'aille m'entraîner », mais si la personne a mis en vibration pour faire ça, plutôt que de prier les anges de devenir musclé, ben, il faut qu'elle agisse. Donc, autrement dit, il y a une implication à faire dans la matière. Puis ça revient aussi en lien avec le processus de déspiritualisation. Mais il faut que la personne passe par des événements. Quelqu'un peut rencontrer une autre personne qui est fascinée par l'astral, puis elle en mange, puis elle en mange, puis la personne, dans le fond, si elle n'est pas prête à changer, quand même, l'autre lui parlerait pendant 20 ans de la conscience supramentale, puis l'amènerait à écouter des enregistrements en relation avec ça. Il n'y aura pas d'intégration de la part de la personne qui est trop occupée, qui est trop englobée à manger le discours de l'astral, parce que chaque chose en son temps. Donc, autrement dit, une personne ne peut pas amener une autre à s'éveiller. Et ça, c'est une grave illusion de croire, par exemple, qu'on peut favoriser l'éveil d'une personne en l'informant au niveau de la forme. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc, c'est sûr que, en réalité, moi-même, j'ai réalisé les limites un peu de ma démarche. T'sais, j'ai fait plein de vidéos. Je suis conscient qu'il y en a beaucoup que je vais dénoncer la fascination de la forme ou être libre de la forme, mais en réalité, tant que la personne n'est pas confrontée à quelque chose qui l'amène à perdre pour être libre de la forme, ben, ça demeure théorique. Donc, autrement dit, tant que la personne ne perd pas sa maison ou son auto, ou les deux en même temps, ou d'autres choses, de composer intelligemment avec la perte dans le concret, elle ne le vit pas. Donc, autrement dit, de parler, ça peut aider à accompagner quelqu'un qui vit quelque chose. Ça peut faire générer une vibration. Mais le changement ultime passe par l'expérimental tant et aussi longtemps que la personne n'aura pas totalement intégré la fusion avec l'esprit et elle ne sera pas totalement dotée de la science infuse. Mais d'ici là, l'expérimental va nous servir encore longtemps. C'est la même chose par rapport à d'autres aspects. Tant que la personne ne sera pas totalement fusionnée, elle ne pourra pas avoir le corps fait en fonction de sa volonté. Donc, autrement dit, la personne, il va falloir qu'elle s'entraîne physiquement ou si elle a des problèmes de dos, bien, consulter un ou une chiropraticienne ou d'autres spécialistes qui existent en la matière. Donc, autrement dit, elle va devoir s'engager dans une action pour ajuster sa vie en fonction de l'intelligence qu'elle peut capter pour être bien dans sa peau. Donc, faire ce qu'elle a à faire pour que sa vie soit agréable, tout simplement. Mais la sortie de l'astral puis de la fascination, ça va venir en temps et lieu. Là, on est dans une époque que les écrans de téléviseurs augmentent. On a des écrans plats, ils sont de plus en plus gros, de plus en plus définis. On est rendu avec la TV 4K, puis là, la résolution est de plus en plus grande. Puis là, on devient de plus en plus absorbé simultanément par l'écran mental, par les belles couleurs vives de l'astral, de la forme, puis ça augmente. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question, pourquoi qu'on nous donne de plus en plus des formes sophistiquées? Parce que dans l'évolution, on se raffine. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que simultanément, si l'esprit descend à l'époque actuelle et que l'astral ne veut surtout pas que l'être humain intègre l'esprit, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va le bombarder de formes. Puis de plus en plus de formes, puis ça va de plus en plus vite, là. Donc, on a de plus en plus accès à des vidéos sur Internet, de plus en plus d'informations, de plus en plus de nouvelles. Puis tant que la personne est fascinée par tout ce brouhaha à l'intérieur, à l'extérieur d'elle, avec les gros écrans, ben, elle n'écoute pas l'intériorité. Et l'astral joue très bien à ce moment-là son rôle qui est de camoufler la présence de l'esprit. Puis plus que l'esprit pousse à l'intérieur de l'individu pour qu'il s'éveille, puis qu'il arrête d'être addict à la télévision comme une drogue ou à Internet, puis plus que l'astral simultanément en réaction va donner des nananes. Un peu comme un service de rétention téléphonique. Si la personne veut partir sous l'impulsion d'un compétiteur, qu'est-ce qu'il fait? La compagnie, face à ça, ben, souvent, elle va donner des rabais. Donc, on donne un rabais, par exemple, de 10$ par mois pour qu'il y ait une rétention du client, de l'abonné au canal, donc le canal astral. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on augmente les émotions. On augmente l'intensité dans les téléromans. De plus en plus de rebondissements en moins de temps possible. De plus en plus de sexe explicite pour générer des tensions sexuelles sur Internet. De plus en plus de films d'action avec des batailles, avec des meurtres, avec la guerre, avec des mitraillettes. Puis de plus en plus intense, de plus en plus réaliste. Pourquoi? Bon, on veut que l'être humain soit absorbé par des images de plus en plus intenses pour être sûr que l'être humain ne s'éveille jamais et qu'il ne rentre jamais en communion avec l'esprit. Donc, plus que l'esprit cherche à descendre à l'intérieur de l'être humain, puis plus que l'astral cherche à travers notamment la stimulation de développement de technologies, comme les gros écrans d'ordinateurs, de téléviseurs, à l'absorber pour qu'à quelque part, il demeure fasciné. Là, s'il y a une force qui descend pour qu'il arrête d'être fasciné, bon, on augmente l'intensité simultanément d'éléments de fascination. Le téléphone intelligent avec 36 000 options, avec les logiciels, avec la possibilité d'être branché partout, ainsi de suite. Donc, on donne des choses à l'être humain pour qu'il se divertisse avec très grande intensité, avec les jeux vidéo qu'on a actuellement, là, avec une résolution extrêmement grande, précise, des personnages, des environnements. Puis ça tend à l'absorption, dans le sens que, à un moment donné, les jeux vidéo vont être tellement similaires à la réalité qu'un être humain va avoir de la difficulté à faire la distinction entre la réalité et l'environnement virtuel du jeu vidéo. On se dirige vers ça. Pourquoi? Ben, c'est le principe d'englobement de l'astral qui est reproduit dans la matière. Donc, sur le plan astral, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est des mémoires anciennes qui servent, entre autres, à stimuler des réalités, comme celle de l'Atlantide. Puis là, plus que c'est réaliste, puis plus que les gens mordent à l'abysson, bien plus qu'ils donnent du temps d'antenne à l'astral. Donc, autrement dit, ils donnent de leur énergie. Parce que l'astral se nourrit de l'énergie vitale qui est générée par l'être humain sous la fascination de ces êtres-là. Donc, c'est un principe d'absorption. Pourquoi que l'astral cherche à absorber l'énergie de l'être humain? C'est parce que l'astral n'est pas capable de générer la lumière. Puis les êtres sur ces plans ne sont pas branchés de leur source par un mouvement d'orgueil qui, historiquement, les a coupés de leur source. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils cherchent à détourner l'énergie vitale des êtres humains qui sont branchés momentanément sur leur source durant leur incarnation pour s'abreuver de ces énergies et se sentir dynamisé. Puis en contrepartie, bien, qu'est-ce qu'offre à l'être humain? Du pain et des jeux. Puis des jeux de plus en plus sophistiqués. Donc, voilà l'époque actuelle. Et c'est sûr que lorsque les gens auront saturé de regarder des films de violence, là, c'est des gros écrans de télévision, des drames là, romantiques avec des ruptures amoureuses intenses, des pleurs, des cris, tant que l'être humain aura saturé du bruit astral puis de l'intensité des formes, ben à ce moment-là, il y en aura d'autres choix que de se retourner vers l'esprit, tout simplement. Donc voilà l'essence du propos. C'est juste une question de temps. Tôt ou tard, l'être humain va saturer. Pourquoi? Parce que l'astral, c'est lié à des mémoires anciennes, puis il n'y a pas de nourriture réelle derrière ça. Puis plus la personne va monter en sensibilité, puis plus qu'elle va le capter, va le percevoir. Fait que naturellement, elle va se détourner de tout élément qui cherche à l'hyperstimuler au niveau de la forme pour se nourrir de la vibration qui est derrière, qui provient de l'esprit. Voilà. C'est juste une question de temps et de saturation. Donc, voilà ce qui termine à présent l'enregistrement. Merci de votre écoute.